Stéphane Mallarmé, Les fleurs. Des avalanches d'or, du vieil azur au jour, premier de la neige, éternel des astres. Jadis tu détachas les grands calices pour la terre jeune encore et vierge de des as. Le glaïeul fauve avec les signes au col fin et ce divin laurier des âmes exilées, vermeil comme le pur orteil du séraphin que rongit la pudeur des aurores foulées. L'hyacinthe, le myrte, à l'adorable éclair, et pareil à la chair de la femme, la rose, cruelle hérodiade, en fleur du jardin clair. Celle qu'un sang farouche et radieux arrose. Et tu fis la blancheur sanglotante délices qui roulant sur des mers de soupirs qu'elle effleure à travers l'ensemble des horizons pâlis. Monte rêveusement vers la lune qui pleure, vers la lune qui pleure.